Auditrices et auditeurs de Radio Grenouille, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons dans Guirou. Après de nombreuses thématiques abordées dans cette émission, il était temps que le dispositif DBDGR se lance dans l'exploration d'une figure déterminante et centrale du monde du football, le supporter, et ceci sous toutes ses formes. Nous recevrons un peu plus tard dans l'émission Christian Bromberger, le célèbre anthropologue qui nous parlera d'une de ses spécialités, qu'est le supporter. Et avec vous, cher docteur, bonjour. Docteur, nous nous intéresserons au cas des pom-pom girls ou des cheerleaders. Et oui, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. C'est un sujet que nous allons aborder avec l'un de mes complices aujourd'hui en plateau. Dundee, vous allez nous parler d'une figure du supporter nomade avec le cas Zato. Zato, le supporter globetrotter, 7 millions de kilomètres à son actif, plus de 17 000 matchs. Nous attendons ça avec impatience. Et vous, Magic, bonjour. Avec vous, nous livrerons dans cette émission l'exploration de l'actualité culturelle marseillaise et la prochaine Biennale des Écritures du Réel, qui accueillera en ouverture un spectacle consacré à la passion footballistique chez les supporters. Bonjour, Magic. Je vous laisse présenter nos quatre invités prestigieux de ce jour. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir quatre supporters de l'Olympique de Marseille, mais quatre supporters particuliers, trois hommes, une femme qui ont eu la chance d'être retenus pour participer à un gros spectacle qui s'appelle Do You Still Love Me et qui fera l'ouverture de la Biennale des Écritures du Réel. La Biennale des Écritures du Réel, un festival à Marseille, et en région, dont nous aurons l'occasion de parler un peu plus tard. Alors, ces quatre supporters, je vous les présente très vite. Alexandre, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, Alexandre, tu es supporter dans quel club ? Donc, j'appartiens au groupe des Ultras. Ouais. Marseille. Depuis combien de temps ? Ça fait 18 ans maintenant. 18 ans, très bien. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour tout le monde. Toi, tu es affilié à quel club ? À l'Olympique de Marseille, chez les Winners. Très bien. Et depuis combien de temps ? Ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années. Et j'y allais déjà quand j'étais un peu minot, en ayant un petit peu des places ou en famille. Très bien. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, toi, tu es MTP. MTP, depuis combien de temps ? 20 ans. 20 ans, c'est peu dire. Bonjour Hamza. Bonjour. Alors, toi, tu es le plus jeune, ouais. Ça fait combien de temps que... Moi, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, ouais. Que tu es affilié où ça ? Aux Winners. Et avant ça ? J'allais au stade tout seul. Hein. T'allais au stade tout seul, ouais, très bien. J'étais le vagabond du stade. Bien, alors... Mais oui, Magic, ces quatre supporters, on le sait, on l'a dit, sont particuliers parce qu'ils participent à cette expérience de la Biennale des Écritures du Réel via un spectacle, vous l'avez dit en introduction, Do You Still Love Me. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de ce spectacle, de cette metteur en scène Sania Mitrovic? Alors le spectacle est produit par la compagnie Stand Up Hall Productions, qui est une compagnie hollandaise dirigée effectivement par la metteur en scène, la jeune star du théâtre contemporain, Sanja Mitrović. Alors Sanja Mitrović, elle est serbe d'origine et toujours, je crois qu'elle vient d'acquérir la nationalité hollandaise, mais elle revendique toujours son origine. Elle a grandi dans ce pays de manière tout à fait normale. Elle a eu une carrière qui a commencé par le tennis. Elle a été tenniswoman professionnelle. Et puis, lorsqu'elle a commencé à voyager un petit peu, eh bien, elle s'est rendue compte que partout en Europe, on parlait de la Serbie de manière très, disons, très méchante à l'égard de ce qui se passait à l'époque en Yougoslavie, puisque c'était la guerre et que la Serbie était montrée du doigt un petit peu partout en Europe. Et elle a vu la montée de l'extrémisme nationaliste en Serbie et elle a décidé d'orienter sa carrière pour essayer de dénoncer ces montées extrémistes politiques. Et elle en est venue à un théâtre assez performatif aujourd'hui, où elle met en scène toujours des choses liées aux identités. Et à travers le spectacle « Do you still love me ?», eh bien, c'est la question de l'amour qu'elle interroge au travers de l'amour que les supporters de foot peuvent avoir avec leur club. Et elle essaye de savoir si l'amour, ce n'est pas justement quand il est trop intense, la chose qui fait basculer le monde du côté du chaos. Voilà. Vous avez réalisé, mon cher Magic, une interview de Sanja Mitrović que je vous propose d'écouter tout de suite. Avec Do You Still Love Me, vous avez exploré différentes villes comme Rotterdam et Reims, par exemple. Prenons le cas des chansons sur lesquelles vous avez travaillé. Avez-vous retrouvé des similarités entre les groupes de supporters de ces villes ? Non, ce qui est intéressant, c'est que chaque ville a sa manière propre. In some cities the for example in Rotterdam it was really interesting that their feeling à Rotterdam par exemple le sentiment d'être les outsiders est très accentué. Underlined. They are always ils se comparent en permanence à Amsterdam. Ils ne parlent que de leur ennemi. They only talk about their enemy and the duality between two clubs. Et la dualité entre les deux clubs, Feyenoord avec qui nous avons travaillé et l'Ajax d'Amsterdam, est très présente. Ils discutent de cette question quasiment tout le temps, la ville principale et la ville plus petite. Le sentiment d'appartenance à une ville s'exprime beaucoup plus qu'à Bruxelles, par exemple, qui est une ville cosmopolite avec beaucoup de cultures différentes. Saint-Gilles is a very small club, which also reflects. Bien sûr, Saint-Gilles est un petit club, mais il reflète parfaitement l'état d'esprit de la ville, qui n'est pas constitué seulement d'une population belge et blanche, mais plutôt mélangée. Il y a beaucoup de supporters qui viennent de l'extérieur. Il y a une ambiance très familiale. Et la notion d'appartenance à une ville ou à un pays n'y est pas du tout aussi évidente. C'est plus cosmopolite, plus international, plus ouvert. La plupart des supporters parlent anglais, ce qui fait une différence. Le Stade de Reims, c'est encore une autre histoire. C'est très français, presque personne dans l'équipe ou chez les supporters ne parle anglais. Les traditions y sont différentes. Les gens se considèrent de manière différente. Ils aiment Reims parce qu'ils aiment la cathédrale, l'histoire, etc. De ville en ville, les choses sont différentes et ça se retrouve dans le choix des textes et des chansons. Certains des textes renvoient au passé, par exemple à l'engagement d'un pays durant la Seconde Guerre mondiale. D'autres chansons sont plus générales, plus universelles. C'est à chaque fois différent, mais c'est à chaque fois surprenant. Pour Marseille, vous avez apparemment des difficultés pour trouver une chanson de supporter digne de ce nom. Comment allez-vous faire ? Researching. Eh bien, continuez les recherches encore et encore. Allez plus loin, je ne sais pas. On trouvera quelque chose. the songs that we are now looking for at the moment, and we have. La chanson dont nous parlons et que nous avons du mal à trouver à un moment est une chanson qui est jouée après. Is a song that is sang after the so the show has. Two half times, first half time, then break time. Le spectacle comporte deux mi-temps, la première et la deuxième, et la mi-temps, qui ne dure bien sûr pas 15 minutes comme en vrai. La durée de la première et deuxième mi-temps correspond plus ou moins au temps d'un match, mais la mi-temps dure moins de 15 minutes. But after the break time, there is the song that is sang, and that's the Et donc après la mi-temps, il y a une chanson et cette chanson parle de la ville et reflète l'attachement à cette ville. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est si dur d'en trouver une ici. On va continuer nos recherches, je suppose. Débattons d'Anguirou, foot spécial supporter. On vient d'écouter Sania Mitrovic, la metteur en scène du spectacle Do You Still Love Me, qui fera l'ouverture de la Biennale des Écritures du Réel. Magic, on a vu que c'était une expérience assez extraordinaire et ça a dû l'être pour nos quatre invités. On a peut-être une ou deux questions à poser à nos quatre amis supporters pour démarrer cette émission. Oui, sur la question de la chanson en particulier que Sania Mitrovic cherche, qu'est-ce que vous pensez, alors au débeauté, comme ça tout le monde peut répondre, mais de cette absence de chansons de type hymne que nous n'avons pas ici à Marseille pour l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de chansons à travers l'OM au stade, je veux dire. Mais après, c'est sûr que nous, on peut en écrire une, hein, qui reprend tous les chants de l'OM, tous les chants de l'OM depuis la création et nos idées à nous. Je pense qu'on peut faire... une chanson, un jean du spectacle. Ouais, Jean-Philippe. Alex a raison. Et sur le fond et sur le principe, on a deux hymnes, en fait, à l'OM. Le premier, c'est le Aux Armes, le classique pour nous les supporters. Le deuxième, c'est Jump de Van Halen pour l'entrée des joueurs. Voilà. Oui. C'est deux rituels. Après, c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Sania, une chanson des supporters de l'Olympique de Marseille qui met en avant la ville de Marseille. Non, on va plus basculer dans la chanson marseillaise, avec des auteurs qui auront fait des chansons sur Marseille. Mais on parle de Marseille dans les chants de supporters, mais souvent, comme c'est des chants très courts, on va dire qu'ils sont complémentaires, mais qu'il n'y a pas une chanson qui résume l'essentiel, qui parle de Marseille, de l'Olympique de Marseille, des supporters, des habitants. Peut-être qu'on devrait l'écrire comme a proposé Alex, oui. Justement, ça peut être judicieux. Ouais. Souvent, vous parlez aussi des adversaires dans les incantations entendues au stade. C'est parti de la poésie, comme on dit, poésie martienne. Cécile, Hamza, un petit mot peut-être ? Il faudrait faire un petit méli-mélo de toutes les chansons, je pense. Prendre chaque... Parce qu'il y en a quand même des chansons, on en a. Il faut... remixte, je pense. Ben voilà un joli projet, je crois. Alors, Sania Mitrovic nous a demandé pour cette émission eh bien, d'écrire un chant de supporters qui parlerait aussi de la ville. Okay. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire et le coach Luc, bien sûr, un de nos fidèles complices habituellement en plateau, n'est pas là aujourd'hui, mais il a voulu compliquer la chose, comme à son habitude, et il a donné quelques contraintes. Le coach Luc, on va l'écouter, est parti du mouvement littéraire Loulipo, et il s'est dit que le dispositif des BDGR pouvait créer Loup-Suppo, l'ouvroir de supporters potentiels. On écoute le coach qui va nous expliquer son principe. Bonjour à tous. Je ne suis pas dans le vestiaire de grenouille avec vous, camarades, mais cela n'empêche pas une petite causerie d'avant-match. Bon, pour commencer, avant toute chose, 1. Pensez mobilité. 2. Pensez agressivité. 3. Pensez simplicité. 4. Pensez à faire des miracles. Alors, petit liminaire tactique pour définir un peu les règles de l'enjeu. Donc, Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, est un groupe sérieusement farfelu fondé en 1960 par le mathématicien ingénieur chimiste François Le Lyonnais et l'écrivain Raymond Queneau. Ce groupe s'est donné pour tâche la prééminence des contraintes logiques et mathématiques dans l'écriture, c'est-à-dire de se donner des contraintes de type formel dans des jeux de langage qui sont source de création textuelle. Les Oulipiens ne vénèrent plus la sacro-sainte inspiration, celle de la figure de l'écrivain Démiurge, mais au contraire, ils jouent et se jouent de règles créatrices établies par eux, avec autant de rigueur que d'humour possible. Dans la perspective oulipienne, c'est la contrainte qui donne sens à la liberté et à l'improvisation. Et juste un petit détail, l'Oulipo existe encore aujourd'hui. Alors, de l'Oulipo, nous passons à l'ouvroir de supporters potentiels ou Oussupo. Alors, d'où vient cette idée? En fait, tout comme l'a montré l'Oulipo pour les productions littéraires, le jeu sportif est lui aussi façonné par un système de contraintes. Il paraît donc logique d'opérer ce rapprochement pour inventer une nouvelle dynamique, celle d'un 12e homme sérieusement farfelu, mais rigoureux, qui va recomposer la poétique de la tribune. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci coach, alors on l'a compris, nos quatre invités vont être rudement mis à contribution pour écrire un nouveau chant dédié à l'Olympique de Marseille sur le principe de l'Oussupo, et le coach nous a confié quatre contraintes à intégrer dans ce processus d'écriture, cet atelier que vous allez mener avec eux. Magic, la première étant la greffe. La greffe, composée à partir de vers récupérés dans quelques chants préexistants, chants de combat, chansons d'amour, parce que le foot, selon le coach, est un combat ou un jeu, ou les deux. Donc selon ce principe, les vers entiers peuvent être mélangés ou les moitiés des vers de deux poèmes sont collés début-fin. Deuxième contrainte, le lipogramme. Le lipogramme, c'est un texte dans lequel l'auteur s'impose de ne jamais employer une lettre, parfois plusieurs. Il sera donc, selon le principe récurrent de Débattons d'Anguirou, interdit d'utiliser les trois lettres acronymes du club de la capitale, lettres que nous connaissons mais que nous ne prononcerons donc pas. Il faut soit remplacer les mots concernés par d'autres mots, soit supprimer purement et simplement ces trois lettres du mot. Troisième contrainte, la rime, forcer tous les vers à finir en OM, en remplaçant la dernière lettre du vers par OM. Exemple, mignonne, allons voir si la rose OM ce soir est éclose OM, parce que OM rime avec poème et inversement. Quatrième contrainte, le chant, cette ultime contrainte sera de tous chanter cette chanson écrite pendant l'émission en chœur. Magic. Waouh, quel programme. Eh bien écoutez, on vous laisse vous installer et mener cet Alors, atelier, mon cher Magic. Je sens que ça rigole autour des micros. Un petit mot peut-être, ça vous va? Je suis perdu. On relève le challenge. Oui, bah, Hamza est perdu, mais je vais vous réexpliquer tout ça et on va essayer. On vous laisse vous mettre en place pendant ce temps-là. On va faire une petite pause musicale, la première de l'émission. Et on va écouter un certain Carlo Ferrari et sa chanson fameuse qui s'appelle tout simplement « Allez l'OM ». Allez l'OM, pense à l'emblème, glorifié par tes aînés. Allez l'OM, pas de problème, si le droit au but tu connais. Allez l'OM, allez l'OM, de notre cœur entend la voix. Allez l'OM, allez l'OM, vers la victoire envole-toi. Nous autres à Marseille, on est hospitaliers, jusqu'à ce que s'éveille l'envie de voir gagner. Notre équipe de foot, alors bonne mère, bien sûr on oublie tout car on est supporter. Allez l'OM, pense à l'emblème, glorifié par tes aînés. Allez l'OM, pas de problème, si le droit au but tu connais. Allez l'OM, de notre cœur entend la voix. Allez l'OM, vers la victoire envole-toi. Quand l'équipe d'en face peine sur le terrain, que voulez-vous qu'on fasse puisque c'est son destin? Mais si l'OM tremble alors tout est changé, donnez-l'en tous ensemble, on se met à chanter. C'est pour Marseille, allez l'OM, glorifié par des aînés. Allez l'OM, à droit et du tu connais. Alléluia, alléluia, de notre père. Radio Grenouille, vous écoutez Débattons dans Guirou, l'émission consacrée à la figure du supporter, et on vient d'entendre Allez l'OM par un fameux Carlo Ferrari. Il est temps maintenant d'accueillir un nouvel invité dans notre belle émission. Il s'agit de Christian Bromberger, le spécialiste de plein de choses en anthropologie, mais il a notamment beaucoup travaillé sur le football et la figure du supporter. Et il était déjà intervenu, je crois, docteur Edonde, dans Débattons dans Guirou, à propos de l'Iran. Ah oui, ça avait été assez savoureux, ce déplacement qu'on avait fait avec ce bon vieux cher Brett. On était allé à Aix-en-Provence voir Christian Bromberger, ainsi qu'une amie iranienne à lui. Puis on avait parlé pendant quelques heures de football, de l'Iran surtout. Et ça avait été une expérience assez formidable à l'occasion de cette émission qui s'appelait « Foot Iran ». Christian Bromberger, nous vous avons au téléphone. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous dans notre émission, une nouvelle fois. Merci de m'accueillir. On voulait donc avoir votre impression et vos visions, allons dire, sur le contexte marseillais, spécialement de cette figure du supporter. Mais la première question que je souhaitais vous poser, c'est que nous, dispositif des BDGR, ainsi que ce que nous lisons dans la presse et dans les médias divers et variés, on fait le constat un peu du désamour des supporters en France, notamment en s'appuyant sur la baisse de fréquentation dans les stades. Est-ce que vous faites vous-même ce constat? Et selon vous, à quoi est-ce qu'on peut l'attribuer? Bah écoutez, on peut l'attribuer, je crois, d'une part au contexte compétitif qui n'est plus le même. Vous avez des équipes extrêmement riches, c'est pas la peine de les nommer, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc la compétition pour savoir qui va être le meilleur, elle perd de son intérêt puisque les dés sont pipés au départ, pour ainsi dire, en raison de différences budgétaires qui sont absolument considérables. Donc ça fait que le piment, si vous voulez, émotionnel qu'il y a dans le match de foot, où on ne sait pas qui va gagner, ce piment, il disparaît petit à petit. Et donc, on a, à vrai dire, deux championnats, et puis le deuxième championnat manque de relief aussi. Alors à Marseille aussi, on se passionne, vous savez, pour l'OM, quand l'OM est en passe de gagner, de remporter des victoires. Là, c'est moins le cas. Il y a une bonne équipe, mais elle ne parvient pas à véritablement se dépasser et à occuper les pures premières places. Donc, il y a ce désamour qu'on constate un peu partout aussi, puisque les grandes villes de foot n'ont pas des résultats qui permettent de contester la prédominance du Paris Saint-Germain. Bref, il y a là un contexte général qui est mauvais. Alors, ce contexte général mauvais, ça tient précisément à ces disparités de budget qui font que la compétition est pipée par ces disparités de budget, par ces disparités de droits télé aussi, qui font que selon qu'on occupe telle ou telle place ou qu'on a telle ou telle réputation, on va toucher plus ou moins de droits télé. Il est vrai que la télévision a joué un rôle assez négatif, si vous voulez, dans cette histoire de football, parce que à partir de là, il y a eu tout ce qu'on appelle les dérives que l'on connaît, à savoir ces disparités de plus en plus grandes entre les clubs. Christian Bromberger, on va maintenant parler du contexte marseillais un peu plus précisément. On le sait, depuis les années tapis, on va dire, le milieu des années 80, fin des années 80, un système particulier avait été mis en place à Marseille qui concernait les abonnements. Donde, docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement la suite de ces événements et en quoi ce contexte marseillais était particulier? Bah, il me semble qu'il y avait une vision politique de Tapi qui sous-tendait en fait l'avènement des groupes de supporters de l'OM, puisque Tapi était en recherche d'une légitimité politique à l'époque, puisqu'il briguait la municipalité de Marseille. Et donc il avait, le stade étant un espace de spectacle permanent et de mise en scène de sa propre personne, il avait comme ça négocié et proposé aux supporters de gérer un certain nombre d'abonnements. Donc on a une pluralité de groupes de supporters qui proposaient à leurs affiliés les abonnements. Donc ces abonnements étaient gérés par les supporters via un principe évidemment de paiement, mais ça donnait une certaine autonomie de gestion et pour les supporters. Alors Christian Bomberger, vous le savez, vous l'avez lu certainement comme nous-mêmes, que ce système particulier est dernièrement remis en question. Une convention, semble-t-il, leur a été proposée aux supporters pour qu'ils abandonnent ce privilège, et convention qui finalement ne conviendrait pas aux supporters. Mais dernièrement, on lisait dans la presse qu'un amendement, donc une nouvelle loi, ne permettrait plus aux clubs de supporters de gérer les abonnements et donc une partie des places des stades, et ce qui remet complètement en cause la particularité du système marseillais. Nous voulions vous interroger sur le sens et les symboles de ce système particulier à Marseille et les signes qui pouvaient être envoyés sur sa remise en cause. Écoutez, là, ce qui vient d'être dit sur les raisons qui avaient amené Tapi à confier la gestion de la billetterie au club de supporters est tout à fait exact. Hein. Il s'agissait de se mettre les supporters des virages dans la poche, si j'ose dire, en confiant cette responsabilité qui permet au club de supporters de prélever une dîme. C'est-à-dire que non seulement ils vendaient l'abonnement, mais en plus à un prix légèrement surélevé, ce qui permettait financer des installations, de salarier quelques membres du club de supporters et d'avoir un bénéfice dans cette opération de gestion de la billetterie. Donc là, il y a toute une série de mesures et puis un projet de loi de Guillaume Larrivé et d'un certain nombre de députés qui doit être discuté. Il y a les règles qui dominent les organismes de gestion du football où il faut vendre des abonnements qui soient nominaux et non plus des abonnements qui soient distribués de façon indifférenciée. Donc tout ça fait qu'il y a l'imposition aux clubs de gérer eux-mêmes les abonnements et donc de rompre avec le système marseillais. Alors je voudrais faire plusieurs remarques à ce sujet-là. D'abord, si vous voulez, les clubs de supporters, semble-t-il, dans les accords qui ont été conclus, n'y perdent pas énormément sur le plan financier, parce que les supporters qui voudront acquérir un abonnement, s'ils ont une carte d'un club de supporters, auront un abonnement ou auraient un abonnement moins cher. Et donc, il y aurait toujours le passage par le club de supporters avec la possibilité donc d'en retirer un certain bénéfice financier. Cela dit, ce qui se passe, c'est une dépossession progressive des groupes de supporters dans l'ensemble du stade et dans l'ensemble de la vie sportive. On le voit très bien d'ailleurs à travers ce qui est prévu au point de vue du fichage des supporters. Vous savez, dès qu'il y a fichage, il faut être un peu inquiet, mais là on peut l'être encore plus dans la mesure où jusqu'à présent, quand par exemple il fallait interdire quelqu'un de stade, c'était une interdiction administrative ou mieux judiciaire, parce qu'il y avait eu des infractions commises, on avait repéré tel ou tel supporter qui avait eu des comportements dangereux, et donc à ce moment-là, il pouvait y avoir ces interdictions administratives ou judiciaires. Maintenant, d'après le projet de loi qui est déposé et qui va être discuté, ce sont les clubs eux-mêmes qui pourraient désigner les supporters malfaisants et qu'il faudrait interdire de stade. Alors ça me semble assez dangereux, parce que à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire un supporter qui risque d'affecter le bon déroulement du spectacle? Est-ce un supporter dangereux ou bien simplement un supporter qui va brandir une banderole en disant qu'il ne veut plus de la direction du club ou bien qu'il était contre tel ou tel entraîneur? Il y a dans le match de football quelque chose de particulier. C'est un spectacle participatif où l'on vient dire et participer directement au spectacle, contrairement à ce qui se passe dans d'autres formes de spectacle. Et alors, si on enlève la possibilité de s'exprimer à des supporters qui seraient hostiles à ce qui se passe dans l'équipe ou dans le club, à ce moment-là, véritablement, on porte atteinte au supporterisme en lui-même. Et si vous voulez, on traite le spectacle sportif comme une autre forme de spectacle où il n'y a pas cette intervention du public, ni dans les encouragements, ni au contraire dans les cris hostiles. Et donc, à ce moment-là, on prive le spectacle sportif d'une partie importante de ce qui en fait l'intérêt. Docteur, vous avez une question à poser à notre invité. Bonjour, monsieur Bonverger. C'est vrai qu'on parle depuis quelques années d'un club de l'OM qui est un club à vendre. Il y a eu plusieurs hypothèses quant à cette vente du club. Et puis dernièrement, on en parle souvent finalement de ce qui peut paraître pour certains une arlésienne, pour d'autres qui se nourrissent de projets qui ont fonctionné dans d'autres pays comme impossible, c'est celui du rachat du club par les supporters. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, je pense que c'est une belle intention, mais ça ne peut être qu'une intention parce que si je me rappelle bien, il y a quelques années, il y avait eu la volonté par un certain nombre de supporters de conserver Drogba à l'OM. Et donc, il y avait eu le lancement comme ça d'une campagne de rachat de Drogba, mais on n'avait jamais pu réunir la somme nécessaire pour racheter Drogba et pour qu'il revienne à l'OM. Aujourd'hui, la gestion d'un club de football, ça suppose des fonds considérables et je doute que les supporters marseillais, dans une ville qui n'est pas la plus riche de France, puissent réunir les sommes nécessaires pour la gestion de ce club. Alors ça a existé, il y a de très beaux exemples de cela pour des petits clubs en Angleterre ou au Pays de Galles, il y a eu de très belles initiatives de ce genre, mais ou bien bon, des choses que l'on a connues aussi où il y avait une gestion plus directe par les supporters ou par des gens de la municipalité qui voyaient un projet social dans ces rachats. Mais il ne faut pas prendre ces désirs pour des réalités. Ça supposerait véritablement des concours financiers considérables et je vois mal les clubs de supporters pouvant supporter une telle dépense. Christian Bromberger, vous allez, pour finir cette interview, vous-même intervenir dans le cadre de la Biennale des Écritures du Réel, je crois pour une conférence un peu spéciale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots en quoi cela va consister ? Écoutez, si j'ai bien compris ce que l'on m'a demandé, ça consiste à aller exposer devant des jeunes ce qu'est mon métier. Alors, je vais essayer d'expliquer ça à des jeunes gens, d'essayer de leur montrer ce qu'est la cohérence de mon métier, même si moi-même, je ne suis pas très cohérent. Merci Christian Bromberger d'avoir pris de votre temps pour Débattons dans Guirou. On espère pouvoir vous reparler pour d'autres sujets, à d'autres occasions. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors sans transition, chers amis sur le plateau, nous allons maintenant nous attacher à parler d'une autre figure, une autre forme de supporting, celui de la pom-pom girl, ou peut-être du cheerleading, je ne sais pas exactement quelles en sont les différences. Il se trouve que le samedi 30 janvier dernier avait lieu au Merlan la clôture du festival parallèle avec un spectacle dont la pom-pom girl était la figure centrale. Anaïs Rebelle, qui était notre envoyée spéciale au Merlan ce soir-là, nous a un petit peu expliqué de quoi il retournait. Il s'agissait, selon elle, de mettre en regard un monstre sacré de la danse contemporaine, donc le Sacre du Printemps, et la chorégraphie des cheerleaders, une figure populaire de la danse aujourd'hui. Ça nous a donné le prétexte de nous intéresser à ce mode de supporting et ça vous a inspiré, vous, cher docteur, pour votre chronique aujourd'hui. Nous vous écoutons. Pompon. La simple mention du désopilant substantif composé pom-pom girl soulève immanquablement un petit sourire chez l'interlocuteur. Quand ce n'est pas la salive qui pointe aux commissures des lèvres ayant laissé s'échapper cet envoûtant vocable. La vulgarité a beau se complaire dans l'escalade, la critique aura toujours beau jeu de savourer concupiscemment sa proie. Le terme pom-pom girl n'est pourtant qu'un abus de langage breveté par la raffinée Troisième République comme illustration du mauvais goût yankee. Le terme est d'autant plus réducteur qu'il exclut de fait le twirling, maniement du bâton de la plus franchouillarde majorette. Il serait donc préférable de parler de cheerleading, appellation anglo-saxonne englobant toute activité spectaculaire visant à encourager un groupe. Notons en su qu'en stigmatisant les seules femmes, le terme français nous prémunit des quelques illustres figures masculines de cheerleader, au sein desquelles George W. Bush trône glorieusement. Mais outre-Atlantique, ça fait toujours moins tarlouse que d'avoir pratiqué le soccer. Le pom-pom, qui signifie bien pompon en anglais, remplit pourtant notre imaginaire d'autres figures. Celles angoissantes de la grande faucheuse de Beethoven, pom-pom-pom-pom, de la sieste avortée de Newton, mais aussi peut-être et surtout des deux rebondies moitiés de pommes en permanente oscillation composant ses arrière-treintes intermittemment exhibées. Elle te rend ding-ding-ding-ding-ding quand elle waille dans son poum-poum short. Nous y voilà. Même ma plume en bave, comment ne point se laisser happer par l'extrême sexualisation associée à ce pom-pom-là. Douce repompon, charme du homemade, petit bout d'American Way of Life s'agitant à l'extrémité d'un calendrier animé, discrète promesse d'une œillade, muet constat de l'immaculée dentition, doux fumet de Thanksgiving, glorieux repos du guerrier pour résumer, aspiration au giron ouaté de Kelly Kapowski, or just being Zach Morris in Bayside. Pour ça, il aurait fallu naître ailleurs. Ici, ça hurle, ça cogne, ça brûle, ils ont la fièvre! L'Atlantique est un miroir inversé. Pas de pom-pom girl dans le foot français, ni en Italie, terre pourtant mille fois promise, mais des supporters, des tifosi, même parfois, terme inventé dans les années 20, qui rappelle le délire occasionné par le typhus. On encourage les joueurs d'un côté, quitte à effrayer l'adversaire, tandis qu'on divertit le public de l'autre. Les deux manières d'apporter son soutien ne sont pas partie prenante des mêmes enjeux, ni adaptées au même contenu sportif, et surtout destinées ou composées pour ou par des publics différents. Dans le cheerleading, on met en valeur son corps, sa santé, sa fraîcheur, ses dents blanches et sa profonde croyance en l'œcuménisme puritain dans un show certes très technique, mais sans aucune réelle attache au lieu. Tirée d'une pub susceptible d'être diffusée en Mondovision, la pom-pom girl est forcément désincarnée. Elle est de toute façon aussi trop éloignée du public, dans un stade de foot muni de peu d'écran, ce qui la rend inaccessible, car plus difficile à reluquer qu'au basket. A l'inverse, le lieu, la provenance, l'appartenance à un territoire sont largement défendus dans une version italienne du supportariat propagée à une grande partie de l'Europe, de l'Amérique latine ou de l'Asie. Supporter, c'est vivre une expérience commune d'exaltation, connaître un élan partagé, un moment de transe avec les joueurs et le club qui ne se termine pas au coup de sifflet final. La théorique fusion des classes n'échappe pourtant pas à l'amer constat d'un fourvoiement populiste, elle accouche au mieux du fractionnement des supporters en divers mouvements plus ou moins proches du pouvoir en place. L'esthétique du supporter reste toutefois fondamentalement martiale, elle emprunte au péplum comme au voyage chamanique, aux jacqueries médiévales ou aux grandes révoltes ouvrières. Dans cette optique, la médiatisation consiste à illustrer ces tendances. Pour vivre, le tifoso, bien qu'aseptisé, doit continuer à faire peur, quitte à faire semblant. Alors, autant joindre l'utile à l'agréable en partant à la conquête de l'Ouest. Mon prochain tifo, ce sera une green card de 100 mètres sur 60, histoire de découvrir que Kelly Kapowski habite maintenant Beverly Hills et couche avec Brandon Walsh. Ce serait le pompon. Merci, émoustillé docteur. On comprend que ce sujet vous a particulièrement passionné et au point, avec les amis Dondé et Brett, d'aller rencontrer le club de cheerleading de Marseille, les Blue Stars, club affilié à un club de football américain. Ce club existe depuis 2013, 16 membres au départ, aujourd'hui 60, filles et garçons, et vous êtes allés samedi dernier les rencontrer. Reportage. Je pense qu'un peu tout le monde a sa définition de cheerleading et des pom-pom girls, mais les pom-pom girls en général, c'est les filles qui restent sur le bord du terrain, qui crient « donnez-moi un B, donnez-moi un L », enfin voilà. Et nous c'est vraiment la compétition. Des fois, à l'occasion, on vient supporter notre équipe, mais c'est vraiment occasionnel. This is the common cheerleader, an American phenomenon. Her breasts are usually full. Her waist, basically narrow. Her thighs, la gym, la danse. Ça se résume assez ça, du stunt, de la danse, du tumbling, le stand. Il y a 30 secondes où il faut qu'il y ait du pompon, du mégaphone, et des pancartes et du phrasé, oui. Mais ça, c'est vraiment la spécificité de la Fédération française. C'est obligatoire. C'est vraiment quelque chose qu'ils nous ont imposé, mais sinon, à l'international, ça, il n'y en a pas. Et ça, c'est dans une catégorie. chaque catégorie a ses critères, parce qu'il y a dans des niveaux différents. Dans une catégorie, il y a trois niveaux différents. Et la catégorie cheerleading, c'est une des catégories dans laquelle notre équipe se présente. Mais il y a la catégorie stunt aussi, qui est encore autre chose, qui est uniquement basée sur des portées. Donc ça, les portées, c'est encore une autre façon de juger. Mixte. Tout à fait. Le cheerleading, c'est mixte. Salut. On a deux garçons. Vous avez deux garçons avec vous. Donc c'est Nathan, c'est ça? C'est ça. Et toi, par exemple, tu participes au cheerleading, mais est-ce que tu fais l'animation sur le terrain? Non. Sur le terrain, jamais, non, par exemple. C'est juste les compétitions. Toi, tu fais les compétitions. C'est ça. J'ai mon poste comme toutes les filles ont leur poste. C'est pas, on va dire que ce sera pas exactement le même poste, parce que ce sera un poste où on a besoin plus de puissance, je dirais, qu'un autre poste. Donc on sera pas, voilà, on sera pas porté, on aidera plus à porter. Et toi, du coup, comment t'es devenu cheerleader? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je suis d'abord joueur. Ça fait 6 ans que je suis joueur. Et on va dire que du fait que je coach aussi les joueurs, que je touche un peu à tout dans le club, j'ai dérivé un peu par là et au final. Ça me plaisait bien. On aussi, l'a amené avec nous. Coach aussi. Hein. Okay. On a 4 coachs au sein de la section. Donc Inès et Marie-France qui sont CA2, donc le niveau 2. Et Nathan et Jade qui sont au premier niveau. D'accord. CA1. Le rôle du coach, c'est de motiver son équipe, c'est de leur apprendre la chorégraphie qu'elle a créée en début d'année. C'est le coach qui crée la chorégraphie. Ouais. Bonjour, moi c'est Solène, je suis coach chez les Cheer Vikings à Villeneuve-d'Ascq et nous allons vous présenter aujourd'hui une chorégraphie de niveau avancé. Et vous, vous supportez le club des Blue Stars avant d'être cheerleaders? Oui, du coup, via votre mari. Ça fait 6 ans. Et ça, c'est un itinéraire assez classique. Est-ce que par exemple les filles qui sont pom-pom girls ou qui sont cheerleaders, souvent elles le deviennent parce qu'elles ont un lien avec le football américain, parce qu'elles ont des proches, leurs copains qui font du football américain? Oui, ça arrive souvent comme ça ou pas? Ouais. Souvent, mais on a des filles qui sont passionnées par. Qui voyaient souvent des films et qui se sont dit je vais chercher sur internet s'il n'y a pas un club à Marseille. C'est un peu le rêve de toute cheerleader, je pense, en France ou même à l'international, d'être un peu comme les Américaines. I'm not perverted. I get good grades, I go to church. I'm a cheerleader. Aller dans une équipe All-Star ou dans une équipe universitaire, c'est vraiment le rêve un peu, mais... Pa-diddly-diddly-diddly-dum, boop-boop-bidoop. Dundee, on remercie... On remercie effectivement l'équipe des cheerleaders des Blue Stars qui nous a très bien accueillis. Donc merci à Marie-France, Stéphanie, Karine, Nathan. Il faut citer Inès aussi qui fait partie du coaching de ce groupe de cheerleaders. Des cheerleaders qui se produisent assez régulièrement. Alors où est-ce qu'on peut aller les voir, les rencontrer? En général sur les matchs importants des Blue Stars, donc l'équipe de foot américain de Marseille. Qui se produit sur quel stade? Le stade de l'Or derrière le Vélodrome et ensuite sur des compétitions. De cheerleading du coup. Toutes les informations vous pouvez les trouver sur le site des Blue Stars de Marseille ou des cheerleaders de Blue Stars de Marseille. Et je crois qu'il y a un Facebook aussi, hein, les réseaux sociaux relaient bien les informations. On enchaîne cette émission avec une autre figure du supporter qu'on va appeler le supporter nomade, supporter presque SDF même, et vous allez, Dundee, nous parler d'un personnage qui a disparu aujourd'hui depuis 2009. On n'a plus de nouvelles de lui depuis 2009, pourtant il a parcouru le monde entier et les stades du monde entier. C'est Zato, vous lui avez écrit une lettre. Cher Zato, tu n'étais pas présent au Vélodrome pour Marseille-Guingamp le 10 janvier dernier. Je suis déçu mais pas surpris, tu n'aurais pas supporté la purge. Tu devais être en route aux abords d'une ZAC ou d'une ZAI, approchant la bordure bitumeuse d'une aire de péage, ajoutant quelques pas aux millions de kilomètres déjà enjambés dans ta vie. Toi, l'homme dont le cœur brille de 17 000 parties de football, tu as fini par les choisir. Cher Zato, je sais tout de toi. J'ai fouillé ta vie, lu les articles qui relatent tes aventures, j'ai ouvert ton album photo. Zato, le globe-trotteur du football, toujours à l'heure à l'entrée du stade, un billet en poche. Zato, parti sur les routes pour vivre à l'âge auquel les ados rêvent de première fois, une aventure plus grande que la découverte de sa sexualité. Le foot, Zato. Tout simplement le foot. Tu as dit « c'est le plaisir du jeu qui me fait vibrer », mais j'entends « c'est le vibre du foot qui me fait jouir ». Tu as toujours traîné autour des terrains de foot, il y a de toi quelques photos. La pose de l'entraîneur en majesté, main liée derrière le dos, rien ne t'échappe, concentré de tactique en survêt bleue accoudé à la barrière blanche, ton arrivée au stade des Alpes à 11h11. Sur d'autres, tu poses avec quelques joueurs, des pros principalement, et tu fais la gueule. La photo sur la route, emblématique de ton œuvre, pouce levé, le camion qui passe, une mèche revêche qui conteste le vent. Sur une autre, rasée de près, le poil grisonnant, tu sers le champagne. On a planté des bougies sur la galette des rois, c'est ton anniversaire. Tu es né Serge Vieille-Dent, le 31 décembre 1955 à 23h59, à Alès, dans les Cévennes. À peine né, tu croquais dans la nouvelle année, la grinta zato, c'est ça qui fait ta force. À l'âge de 11 ans, tu as fui ton enfance et ta famille, père alcoolo, famille colérique, tu t'es forgé un destin. On te connaît partout, Zato, dans tous les clubs, à tous les niveaux, en France et à l'étranger. Zato et son réseau autoroutier. Zato, l'invité permanent de la 3F. Tu as tout noté dans ton carnet, Zato. Tes déplacements, les kilomètres effectués, les matchs, les rencontres et les contacts qui en découlent. Il y a le rouleau de Kerouac et le carnet de Zato. 40 ans de voyage, j'imagine l'état de tes pieds. Tu as mis 4 jours pour faire Alès-Angers. Tu as patienté 26 heures au bord d'une départementale, le ventre creux et l'estomac noué. C'est comme tu dis, ça apprend la patience. Tu n'as pas un copec, les footballeurs se cotisent pour que tu vives. Des loubards t'ont attaqué aux abords d'un stade, tu expliques. Ils m'ont mis 4 magnums sous le nez. Dès que j'ai reçu un coup de poing, j'ai fait le mort. C'est tout toi, l'économie de la servie au service de la passion. Ton existence, Zato, se résume à organiser des déplacements pour voir des matchs de foot. Ton agenda est strictement footballistique, mais de nous tous, tu as le plus bandant. En 1978, tu rejoins la Coupe du Monde d'Argentine en camion, à bord d'un cargo. Tu étais en Espagne en 82, au Mexique en 86, en Italie en 90. Tu as fait toutes les Coupes du Monde à l'exception de la Corée. En 98, tu fêtes le titre de champion du monde entre les bras de Blanc et de Deschamps. Tu baisses le trophée Jules Rimet. Tu t'enrôles dans l'épopée des Verts et cette horrible barre carrée qui te gâche le voyage. Le sacre de l'OM à Munich, celui de ton pote Sauzet. Tu es au Heysel lors du drame, aux côtés des supporters turinois chargés par les hooligans britanniques. Tu es légèrement blessé, Zato, et tu pleures les morts. J'ai vu les hooligans jeter des boules de feu, dis-tu, comme s'il s'agissait de prendre une muraille. Tu ne peux pas comprendre, Zato, qu'on tue pour un match de foot. Tu es l'inverse du chauvinisme. Tu ne te brouilles avec personne, au contraire. Tu as besoin de tout le monde pour faire ce que tu fais. Tu es de passage à Bordeaux en 1996 pour la Coupe d'Europe. Zidane est ton chauffeur, il te conduit à l'hôtel. Le matin, c'est Lisa qui passe te prendre. Direction l'entraînement au stade du Haillan. Dans le milieu du foot, t'accueillir relève de la table des lois. Tu claques du doigt et tu débarques. Viens chez moi, j'habite chez un arbitre. Il t'arrive de cracher dans la soupe. Parfois, quand on ouvre l'enveloppe des pros, il y a beaucoup moins que chez les amateurs. Tu le sais, Zato, on ne prête qu'aux riches. Tu as très bien compris le sens du monde. Tu as fait tien les préceptes des poètes. Je ne me suis jamais vu dans la peau d'un homme, dis-tu, qui rentre au foyer tous les soirs, met ses chaussons et allume la télévision. Moi, ce que je veux, c'est vivre. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir de maison. Je n'ai jamais connu cela. Zato, le mouvement perpétuel, entre utopie et mélancolie. Cher Zato, je t'ai écrit un mail la semaine dernière, tu ne m'as pas répondu, que deviens-tu Zato? Je lance un appel solennel à la radio car j'ai perdu ta trace. Mes sources se tarissent en 2009 avec les liquidités de la Société Générale. 2009, quelques dates égrenées sur un site et puis plus rien. Tu es le 16 mars à Nîmes pour Nîmes-Strasbourg, le 18 à Saint-Étienne pour Saint-Étienne-Verdier de Brême, les 21-22 mars à Tarascon, le 18 avril à Nantes pour Nantes-Nice, le 3 mai à Lorient pour Lorient-Lille et le 8 mai à Badaroux en Lozère pour les 30 ans du club. Zato, Lorient-Lille, est-ce vraiment le dernier match que tu as vu? Chers auditeurs, ensemble retrouvons Zato. Ouvrons les portes de Marseille à Zato, le plus grand supporter de football du monde. Passons le printemps et l'été avec Zato. Nous irons à la plage, nous irons manger le poulpe à la pergola, nous parlerons de tout, y compris de l'augmentation des tarifs au péage, y compris du retour de Thauvin et de Consola qui frappe aux portes de la Ligue 2. Tu voulais entrer dans le Guinness Book, Zato, et tant que je pourrai, je le ferai, tu disais en 2002, et je suis là pour te le rappeler. Merci Dondé, j'en ai les poils dressés, que beaucoup d'émotions dans cette lettre à Zato. Juste, combien de matchs on pense qu'il a pu voir tout au long de sa carrière, Zato? Au dernier des comptes, il en était à 17 062. Si on rapporte ça sur 40 années, ça nous fait un rythme de 1,14 matchs par jour. C'est exceptionnel, c'est le record absolu. Bah oui, c'est incroyable. Évidemment, comme vous le dites dans votre lettre, on lance un appel à tous les auditeurs et auditrices ou inversement, des bâtons d'Anguirou et de Radio Grenouille, la moindre information sur Zato nous fera bien, bien plaisir. On va écouter le groupe Zato, un groupe mâconnais, une proposition musicale du docteur, une petite pause qui va nous faire du bien. Thank you. On vient d'entendre le groupe Zato, le groupe Mâconnais, et nos amis supporters sont de retour sur le studio avec Magic. Le contrat est rempli, une chanson a été écrite selon les contraintes de l'ami coach. Lou Suppo a remporté une victoire. On écoute tout de suite le résultat de cet atelier, Magic. Alors vous êtes prêts ? Yes ! Jean-Philippe, c'est à toi. Ok, ça part de là. Allez l'OM et Massilia. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là. La pluie, la neige ne nous empêche pas d'être tous réunis, unis dans le combat. Nous sommes à Jat, mais les premiers. La bonne mère est sur les Marseillais. Le palmarès, on ne l'a pas volé. Non. Les championnats, les coupes, on les a tous gagnés. Nous, le trophée, on l'a touché à l'Olympia Stadium le 26 mai. Toute ma vie, je m'en rappellerai que ce jour-là, l'Europe a parlé marseillais. Bravo. Bravo, chers amis supporters. Merci. Mission totalement accomplie. Ouais, je crois que le coach va être ravi. Magic, on revient juste pour conclure cette émission en quelques mots sur l'expérience de ces supporters avec Sanja Mitrovic. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Posez-leur des questions, mon cher Magic. À nos supporters, vous avez été interviewé, je crois, pas mal de temps par Sanja ou son équipe. Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question, ou quelles sont les questions qui vous ont le plus surpris, peut-être ? Ce qu'on a vécu au stade, ça a été donc et les joies et les pleurs et les peines qu'on a vécues. Ça a été la question qui a été le plus posée pour moi, quoi. Après, je pense que les autres aussi. Ouais. Ce qu'on a vécu le plus dans ce stade, quoi. Voilà. Ouais, c'était dur d'aller chercher les souvenirs. Ouais. On vous a demandé de raconter une histoire en particulier, peut-être un souvenir en particulier pour étayer ce spectacle. On nous a demandé de raconter des trucs qu'on a vécu au stade et en fait, on a vécu tellement de choses que c'était dur d'aller trouver un truc. On salue Alexandre qui doit quitter le studio juste avant la fin. On le remercie beaucoup. On vous remercie, vous, Jean-Philippe, un mot aussi sur peut-être cette merci expérience de spectacle vivant. J'imagine, je ne sais pas, mais c'est peut-être nouveau pour vous. Tout à fait. En parallèle, moi, ce que j'ai retenu, c'est justement par rapport à ce que vous disiez pour les questions qui nous ont été posées, le fait que ça faisait appel à nos souvenirs de supporters, que comme disait Hamza, on a vécu tous plein de choses depuis très longtemps avec l'Olympique de Marseille. Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'ouverture de cet espace de parole. Le fait que quand on parle de Marseille, c'est restreint, c'est limité au niveau des discussions, parce que de suite, comme on dit un peu dans la chanson, on essaye de nous couper la chic et on nous renvoie à nos mauvais jours. Alors que ce qui a été intéressant, c'est que là, on nous a permis de nous exprimer et on a pu dire tout ce qu'on voulait jusqu'au bout. Chacun a déballé sa vérité. Et tout le monde a été entendu et voilà, je respecte les gens qui nous ont fait confiance et nous ont donné cette chance parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir représenter l'Olympique de Marseille et sa ville sur les planches bientôt à la Friche à la Belle de Mai. Et oui, alors Magic, on verra ce spectacle en ouverture de la Biennale des Écritures du Réel. Vous nous avez rappelé les dates de ce spectacle et de la Biennale en général ? Oui, alors la Biennale aura lieu du 2 au 26 mars. Le 2, c'est aussi le jour où se jouera pour la première fois donc Do You Still Love Me, qui se joue trois soirs ici, juste à côté des studios de Radio Grenouille, aux grandes tables de la Friche Belle de Mai, donc le 2, 3 et vendredi 4 mars. Sinon, la biennale, eh bien, elle se continuera tout le long du mois avec toute une programmation encore très foisonnante, riche et variée, découpée selon 4 semaines avec des thématiques assez différentes. Bien évidemment, la question de la création partagée, c'est-à-dire tout le travail qui est fait avec les amateurs ou plutôt les non-professionnels, mais, comme dans Do You Still Love Me d'ailleurs, sera mis à l'honneur lors de la deuxième semaine. La première semaine est beaucoup plus l'occasion d'évoquer la ville de Marseille et la ville en général, la question de la ville-monde aujourd'hui. La troisième semaine, de manière presque traditionnelle désormais, sera consacrée à la jeunesse avec des spectacles pour, avec ou faits pour les jeunes. Et la dernière semaine, eh bien, ce sera l'occasion d'aller explorer la France dans le monde, les relations transfrontalières notamment. Merci Magic pour avoir été complet sur la biennale. On retrouve le programme un peu partout puisque maintenant il va commencer à être diffusé, le programme de cette biennale pour tout le mois de mars. Merci à nos amis supporters d'être venus chez nous dans les studios de Radio Grenouille pour des bâtons d'Anguirou et pour cette expérience un peu particulière. Merci beaucoup à vous quatre. Et puis, on espère que Sania sera ravie de notre nouvelle chanson et qu'elle puisse être dans le spectacle. On l'espère tous. Et puis qu'elle puisse ensuite être reprise dans tout le stade. Évidemment. Vous allez essayer de la faire chanter au stade ou pas là ? On verra. Ça va être dur, elle est trop longue. Elle est un peu longue. Peut-être elle peut s'améliorer encore un peu. On verra ça. Merci à vous, Dondé et Docteur, pour votre clairvoyance encore une fois. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Et on remercie Brett pour son travail d'interprétariat, l'interview de Sania Mitrovic et le coach, bien sûr, pour toutes ces belles contraintes qu'il nous a données. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Et on se quitte en musique. À très bientôt. Quand on n'a que l'OM à souffrir en partage de tribunes au virage, y a pas comme un problème. Quand on n'a que l'OM, chaque jour, chaque mois, qu'on s'explose la voix à s'en faire des œdèmes. Sur le balcon, c'est le balcon, c'est l'extérieur. Sur le balcon, c'est une grande vite. Allez les mecs, tout le monde le sent. Oh, regardez-moi, pas de fils de pute. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quand on n'a que l'OM, comme d'autres ont la messe, sans nulle autre promesse que le titre suprême. Quand on n'a que l'OM, meubler notre ennui comme tombe la nuit sur le quotidien blême. Quand on...